Audiomatique. La transmission 347 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du projet Paul, de qui nous entendions la composition Winkelstreben tirée de l'album Steingarten, paru en 2007. Les sonoristes vous offrent maintenant à entendre à Audiomatique le projet québécois Mr. LFO. Jesus didn't die for us so we could be halfway between two places. He didn't die for us so we could not exactly be a total mess or a failure anymore, but yet never really be victorious either. And a lot of people, I think, get stuck somewhere in the middle. And they've got too much of God to go on, to go back, but not enough of God backwards to go on. And so it's very important to me that I do whatever part I can do with the calling on my life to help people be all the I'm trying to sell myself and I will do it by myself. I don't trust a soul and I don't need no fucking help. I'm paranoid that everybody's out to try and get me. I'm looking over shoulders as I'm passing through the deli. Maybe it's my skin or maybe it's the way I dress. I'm tearing up my limbs and I won't make it to the next. I'm walking down the street and I'm anticipating death. All because the motherfucker looked at me, I said, I go into the void. Fuck! I go into the void. Fuck! panic, your greatest, the bottom of face. I'm having a little bit trouble. I saw a man who was sinister and he was bleeding. I thought he was serial, maybe he wasn't. Thought he would kill me, the blade in the stomach. The void is a place of the torment, a moment. And some of my spirits from her up below us. Darkness of death, corners of corners. Don't say I didn't want you, just say I didn't want you. I go into the void. I go into the void. I go into the void. I go into the void. Fuck! I go into the void. Fuck! I go into the void. Fuck! I go into the void. And so we might say this is an experience of the voyeur. Before trying to explain what this is, and you know the funny thing is it really can't be explained because it has to be felt, because it's a transformation of one's basic feeling, one's basic consciousness of life. à Audiomatic. Il s'agissait de l'artiste suédois J.J. Johansson et sa chanson I'm Older Now, extraite de son premier album Whiskey, sorti en 1996. Tout juste avant, nous avions droit au projet Backwash de la rappeuse Ashanti Mutinta, qui est d'origine zambo-canadienne et qui est basée à Montréal. De son album God Has Nothing to Do with This, Leave Him Out of It, qui a remporté le prix Polaris 2020, nous vous avons présenté la pièce Into the Void sur laquelle collabore Mal Date. Et pour débuter cette séquence, c'était le projet de Mr. LFO, qui est mené par Jean-Philippe Bélanger, et sa toute nouvelle composition Quark Up. Pour en connaître davantage, nous vous dirigeons vers son profil Facebook au facebook.com/MrLFO/MrEPHOW. Et Audiomatic se poursuit sans attendre sur une pièce du nouvel album de la formation italienne Curlian Camera. To the sun.

À Audiomatique, cette séquence de deux pièces concluait sur la musique du projet grec Mictech et sa pièce Obnubilate. Celle-ci apparaît sur la toute nouvelle parution de Mictech intitulée Hereafter, qui regroupe en fait une série de compositions réalisées au cours des dernières années, mais jamais publiées en format physique. Avant Mictech, c'était la formation Kirlian Camera et sa pièce Dusk Religion se retrouvant sur le tout nouvel album intitulé Cold Pills. Rappelons que Kirlian Camera a été fondé en 1980 par Angelo Bergamini et que depuis la fin des années 90, c'est Elena Alice Fossi qui est devenue la chanteuse principale du groupe. Voici, sans plus s'attarder à Audiomatique, le trio britannique Esben and the Witch. à Audiomatic. Ce bloc musical était composé de la pièce de Jungle de la formation anglaise Esben and the Witch et est tiré de son troisième album A New Nature, lancé en 2014. C'est sur la musique de la formation colombienne Mente Organica que se conclura notre transmission 347 d'Audiomatic grâce à la pièce intitulée La Cena qui se retrouve sur la compilation Fuera del Tiempo produite par l'étiquette Fertile Discos et disponible en téléchargement gratuit sur le profil Bandcamp fertildiscos.bandcamp.com. La transmission 348 d'Audiomatic sera assurément présentée mercredi prochain dès 17h en direct sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bien que nous vous encouragions à vivre l'expérience en temps réel, nous sommes conscients de l'importance de rendre disponibles nos émissions à l'écoute en balado-diffusion. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez retrouver la majorité de nos transmissions sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic. Alors voici pour terminer Mente Organica et la pièce La Cena. C'était Audiomatic avec les sonoristes. what a sinner.